vous n'êtes pas des coupes de... De Trangiana. De Trangiana. De Trangiana. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Trangiana. De Trangiana. De Trangiana. De Trangiana. Je vais vous lire l'article qui a été publié sur Indymedia sur la campagne de réquisition solidaire. Lancement d'une campagne de réquisition solidaire par une nouvelle occupation de bâtiments vides. Depuis ce vendredi le 15 janvier, 6 936 m² anciennement utilisés par Opel, situés au 552 chaussée de Gand à Molenbeek, sont occupés afin de reloger une partie des 200 personnes sur le point de se faire expulser de chez elles à Jette. L'ouverture de cette nouvelle occupation à Molenbeek fait suite à celle de l'Hospitalière, ancienne clinique Saint-Gilloise, devenue la maison de 80 personnes depuis le 18 décembre. Cette action annonce le lancement d'une campagne de réquisition solidaire. En tant que collectif et association de personnes avec et sans papier, d'acteurs, d'actrices du droit au logement, des habitants, habitantes de Bruxelles, nous nous organisons une nouvelle fois avec nos moyens pour faire respecter le droit au logement et demander la régularisation des personnes sans papier. Nous continuerons à ouvrir et occuper des bâtiments vides tant que les pouvoirs publics n'apporteront pas de réponse structurelle suffisante à la crise sociale et sanitaire. En lançant une campagne de réquisition, nous affirmons que nous sommes décidés à nous organiser face à l'absurdité des milliers de bâtiments vides alors que des centaines de gens dorment dehors dans notre ville. L'ouverture d'une dizaine de squats a permis de loger plusieurs centaines de personnes pendant le confinement du printemps 2020. Aujourd'hui, nous voulons visibiliser cette réponse solidaire et auto-organisée, tout en refutant l'idée que cela constitue une solution structurelle et suffisante. C'est au pouvoir public d'en faire une priorité. Nous demandons la fin de la criminalisation des occupations et du squat, la réquisition publique des bâtiments vides, la fin des expulsions et surtout des moyens pour assurer des logements dignes pour toutes et tous. Cela doit notamment se traduire par une accélération de la production de logements sociaux et un encadrement des loyers sur le marché privé, car ces dernières sont devenues impayables pour les habitantes habitantes de Bruxelles. Le droit à la dignité doit primer. Se loger est un besoin fondamental. Nous dénonçons également la politique migratoire actuelle, elle aussi responsable de la précarité de nombreuses personnes sans papiers et migrantes en transit. En plus de la crise Covid, ces personnes doivent endurer des délais d'attente de plusieurs années dus au traitement des dossiers. Le règlement Dublin, qui déporte les personnes du jour au lendemain de leur pays d'accueil, l'accès aux soins médicaux entravés, Ce sont quelques-unes des conséquences catastrophiques d'une politique migratoire inhumaine qui sévit sur la vie de plus de 2 millions de personnes en Europe. Le respect de leurs droits fondamentaux demande un changement de politique via la régularisation des personnes sans papier, l'ouverture des frontières, la liberté de circulation, la fermeture des centres fermés et la création de voies migratoires sûres et légales. La campagne de réquisition solidaire appelle à la prise de conscience et à la mobilisation de toutes et tous. La solidarité est indispensable, aujourd'hui plus que jamais. En 2021, prenons les choses en main. Le dimanche 17 janvier, donc deux jours après que l'occupation a été ouverte, il y a eu un appel à midi pour un renfort au soutien parce qu'il y avait des vigiles qui étaient venus pour empêcher qu'il y avait des personnes qui pouvaient encore rentrer dans l'occupation. Il y a eu le soutien sur place. Une 25 personnes étaient devant et il y a eu aussi les flics. Et voilà, une petite explication de quelqu'un sur place de ce qui s'était passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont toujours en train de zoomer, mais ils partent? Oui, ils vont partir. Ah, ok. Ben, on est ici, nouvelle occupation, à Chaussée de Gand, à Molenbeek. Ouais. Et on a eu un appel de renfort pour un besoin de soutien parce qu'il y avait des vigiles. Ce matin, vigile plus ouais. Police. Plus police, ok. Alors du coup, nous aussi, on a débarqué hein, avec plusieurs camarades pour venir soutenir. Et effectivement, donc, il y avait la police et les vigiles. Et on leur a demandé s'il y avait un combat entre vigile et police, qui gagnerait. Et apparemment, d'après Vigile, ce serait la police parce qu'ils sont beaucoup plus entraînés. Donc voilà, et la police aimerait bien avoir plus d'entraînement d'ailleurs. On aurait pu avoir des petites infos comme ça. Après, pour ce qui se passe concrètement, après il y a eu l'officier qui est venu, l'officier de la police, qui a contacté le propriétaire. Et puis suite à ça, ils se sont dit qu'ils allaient avoir une réunion lundi à 14h avec tout le monde. Et puis suite à ça, la police est partie. Et puis quelques minutes après, les vigiles sont partis. Mais on a pu bien discuter. Je crois qu'il y a un policier qu'on a un tout petit peu acquis dans la cause, un vigile un tout petit peu acquis dans la cause. Voilà le bilan de cette matinée qui montre son petit soleil. Bien, merci. Ok. Radio. Bon, et maintenant, on peut rentrer. Ouais, c'est ça. Voilà. On a une trentaine, c'est ça, de soutiens qui sont venus. Et, ouais, voilà. Et donc, c'est à suivre lundi. Suivre lundi. Ouais. Et à venir soutenir. Ah oui, ça fait partie de la campagne de réquisition collective. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, l'éthiopien, salut à toi, le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux Ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut Pekka du le contingent. Salut à toi le Chotokan. Salut à toi peuple Kanak. Salut à toi Tchécoslovaque. Salut à tous les dragons. Salut à toi qui est que bon. Salut à toi jeune malgache. Salut à toi le peuple bac. Salut à toi qui est au violon. Salut à toi les Morocons. Salut à toi le Yougoslav. Salut à toi le Royou Slav. Salut à toi le Salvador. Salut à toi le Molodoy. Salut à toi le Chinois. Salut à toi le Zaïrois. Salut à toi l'Espagnol. Salut à toi le Ravachol. Salut à toi le Hongrois. Salut à toi l'Iroquois. Salut aussi à tous les Goths, des îles maudites jusqu'à l'Écosse. Salut à Goudou les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi le peuple corse. Salut aux filles du Crétien. Salut à toi la Vache-Kiri. Salut à Lorraine et Arthur. Salut à toi peuple nomade. Salut à tous les Chamawas. Salut à toutes les Verticoles. Salut aussi à Yves Reiner. Salut à toi l'handicapé. Salut jeunesse du monde entier. C'était la chanson « Salut à toi » de Berrurier Noir. On est toujours à l'émission Transgenre, mais on va maintenant rediffuser la dernière émission de l'Espa Béton de Radio Panique sur les ondes de Radio Air Libre. L'Espa Béton, c'est l'émission qui donne la parole aux premières personnes concernées par la tôle, les détenus, ex-détenus et proches de détenus. Dans cette émission, vous entendrez la parole de celles et ceux qu'on n'entend jamais et qui sont pris dans les murs des prisons ou du système pénal en général. Initié par la CLAC, le collectif de lutte anticarcérale, CLAC, cette série d'émissions diffusées mensuellement a pour vocation de briser les préjugés sur la prison avant d'en briser les murs. Pour participer ou proposer un témoignage, vous pouvez envoyer un mail à laclac@riseup.net. Donc laclac@riseup.net. Les émissions de l'Espa Béton sont commencées en mars 2020 et ils ont été diffusés depuis tous les premiers lundis du mois à 19h à Radio Panique. Et pour réécouter tous les podcasts, il faut aller sur le site de radiopanique.org. Si vous tapez dans la rubrique Search, donc ça veut dire recherche, l'Espa Béton, vous y arrivez. Ce soir, nous diffusons la 12e émission qui a été diffusée lundi 4 janvier à 19h à Radio Panique. Dans leur plateau, ils ont eu la visite de Monique. Avec elle, ils évoqueront la situation particulière des enfants de détenus. Il y aurait en Belgique plus de 17 000 enfants concernés par la détention d'un de leurs parents. La question qui se pose, c'est comment vit-on cette situation? Comment maintenir un lien avec son parent incarcéré? Quels sont les moyens mis en place dans les prisons? Et donc, Monique partagera son expérience et celle de ses enfants dans cette émission de l'Espa Béton. Bonne écoute. Il n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. Si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Vous êtes dans l'état d'arrestation. Vous êtes là pour être puni. En prison. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout. Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant. On est menaçant. Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs. Toutes les prisons. Laisse pas béton. Bonjour, bienvenue dans N'est-ce pas béton sur Radio Panique 105.4. On s'excuse du retard, on a eu un problème avec notre invité qui va arriver sur le plateau d'un instant à l'autre. Donc bienvenue dans l'émission qui donne la parole aux premières personnes concernées par la prison. Salut, moi c'est Gilles. Et ce soir, on va parler des enfants dont le ou les parents sont en prison, de ce que ça fait sur leurs relations et dans leur vie en général. On va parler des visites, on va parler de la situation particulière, du fait qu'il n'y a pas de visite pour le moment. Et voilà, on attend Monique, donc notre invitée, qui va arriver bientôt. Et donc, on va commencer par faire, comme d'habitude, un petit tour d'actualité autour de la tôle en décembre. Alors, le 10 décembre, c'est la fin du procès concernant l'assassinat de Maouda qui a été tué par la police. Donc, après 3 jours d'audience devant le tribunal correctionnel de Mons, le procès a été conclu et donc le jugement sera rendu le vendredi 12 février à 13h. Donc, on attend la décision. Le 13 décembre, c'était la 4e manifestation hebdomadaire organisée par les proches de détenus. Cette semaine-là, ça se passait à Lantin. La police attendait les manifestants et manifestantes sur place. Elle a interdit la manifestation, malgré une proposition de manifester par bulle de 4 et de respecter les distanciations sociales. Une personne a été arrêtée parce qu'elle a refusé de donner son identité. Le 15 décembre, il y a un appel sur Facebook lancé par la politique écolo Claire Hugon. Donc, elle a interpellé Van Quickenborn au sujet de la précarité menstruelle en prison. Ben, on en parlait justement dans la dernière émission, parce que l'accès à des protections menstruelles, c'est un réel problème en prison. Il y a des ASBL comme Bruxelles qui en fournissent gratuitement, mais Claire Hugon a rappelé à Van Kuki que, ben, en fait, ce serait plutôt au pouvoir public d'assurer l'accès gratuit aux productions menstruelles, plutôt que ce soit des ASBL qui fassent leur taf à leur place. On va donc entendre la réponse de Van Kuki. Animal. Yeah. Donc sur Facebook, vous pouvez retrouver la question de Claire et puis la réponse de Van Kuki et puis la re-réponse de Claire. Mais donc en gros, dans la réponse de Van Kuki, il disait bah, qu'ils font ce qu'ils peuvent quoi et que bah, c'est de toute façon pas pire qu'à l'extérieur, qu'en gros à l'extérieur aussi, les personnes qui savent se payer des serviettes hygiéniques les payent, sinon bah, voilà, elles savent pas se les payer. Donc voilà, donc lui dit que ce n'est pas pire qu'à l'extérieur, mais en fait, bah, comme beaucoup de choses, en fait si, c'est plus compliqué d'avoir accès à des protections hygiéniques en prison qu'à l'extérieur, et ça coûte plus cher qu'à l'extérieur, comme à peu près tout ce qui se trouve dans les cantines en prison. Voilà. Alors, un autre truc dans la rubrique « c'est pas pire qu'à l'extérieur », je sais plus qui avait dit un truc, genre « oui, mais les détenus, ils ont aussi droit à un contact rapproché, c'est leur co-détenu ». Voilà, super. Voilà, sinon, le reste de l'actualité, le 16 décembre, il y a eu l'annonce d'un retour des visites avec enfants. Donc, 2 enfants à 2 par visite, mais 1 visite par semaine, avec un contact physique possible, mais le port du masque reste obligatoire pour les plus de 12 ans. La DH a titré ça comme un cadeau de Noël. Et le 18 décembre, réaction d'Hématon et Maton. Et donc, comme d'habitude, en réaction à un assouplissement des règles, nous avons un préavis de grève de la part des syndicats des gardiens et gardiennes. Pour que finalement, le 19 décembre, le préavis de grève soit retiré, pas parce qu'ils sont devenus sympas, mais parce qu'ils ont obtenu victoire. Il n'y aura donc toujours aucun contact physique possible durant les visites. Le 20 décembre, rassemblement devant Forêt et Berkendal. Une 50aine de personnes présentes et aussi soutenues par des associations comme la LDH. C'est la 5e manifestation organisée par des proches de détenus. À la suite de la manifestation, des personnes sont contrôlées ou verbalisées par la police communale, donc par UNEUS et aussi par la police fédérale. Droit inconditionnel aux visites. Nous revendiquons un droit aux visites inconditionnelles. Si ce droit peut tenir compte de réglementations raisonnables, les visites ne peuvent jamais être suspendues totalement. Le besoin de contact essentiel n'est pas secondaire. 3e revendication. traitement humain des détenus et leurs proches. Nous revendiquons à être considérés comme les autres membres de la société. Nous ne valons pas moins. Nous exigeons un minimum de qualité de vie, que cela soit au niveau financier, sanitaire ou social. La seule punition est la privation de liberté. Les autres droits peuvent être garantis. Cohérence des mesures sanitaires. Nous revendiquons une cohérence dans les mesures sanitaires entre ce qui est demandé à l'intérieur des prisons et ce qui se passe à l'extérieur, entre ce qui est exigé des détenus et ce qui est exigé des agents pénitentiaires, et finalement entre ce qui est interdit aux détenus et ce qui n'est pas rendu possible pour améliorer leurs conditions sanitaires. Bravo ! Numéro 5. Nous revendiquons le retour des aménagements de peine, de permissions de sortie et des congés pénitentiaires. Nous ne voulons pas payer plus chèrement encore le prix de notre incarcération. Libération. Nous revendiquons la libération d'un maximum de détenus. Nous revendiquons le respect du droit de chacun de protéger sa santé en retrouvant un environnement sain. Solidarité avec les enfermés du monde entier. Solidarité avec les enfermés du monde entier. Voilà, on vient d'entendre les revendications des détenus et de leurs proches. Elles ne sont pas souvent relayées dans les médias, donc on en profite. Voilà, du coup, le 21 décembre, on a appris via le SPF Justice que les permissions de sortie et les congés pénitentiaires seront suspendus jusqu'au 31 janvier inclus. Comme on vient de l'entendre, c'est une des revendications qui sont portées par les proches de détenus. Alors, le 26 décembre, il y a l'apparition de la troisième brèche, donc c'est le journal du Genepi Belgique. Donc, ce troisième numéro aborde les questions de spatialité de la peine. C'est disponible à prix libre dans plusieurs librairies à Bruxelles. Le 27 décembre, une triste nouvelle, on a appris qu'un détenu de la prison Saint-Gilles avait mis fin à ses jours. Voilà, j'ai pas trop de mots à part que ça nous rappelle encore que la prison est juste une institution violente, qu'elle isole, qu'elle tue, et qu'il faut que ça s'arrête, il faut qu'on en finisse avec les prisons. Voilà, une pensée de soutien aux proches de cette personne et à toutes celles et ceux que la prison a poussé au suicide. Dans la suite de l'actualité, le 29 décembre, il y a un mot de Bernard DeVos. Donc Bernard DeVos, on va peut-être en reparler dans cette émission parce que c'est le délégué général aux droits de l'enfant. Et donc je le cite dans un plus grand mot. Les enfants de moins de 12 ans n'ont été autorisés dans les prisons qu'il y a deux jours à peine, mais ils sont eux aussi soumis au même protocole sanitaire strict que les adultes, donc aucun contact physique n'est toléré. Quant aux enfants, au-delà de 12 ans, ils sont toujours tout simplement interdits de visite, puisque comme le soutient le SPF Justice, ceux-ci peuvent plus aisément avoir un contact virtuel de qualité que les enfants en bas âge. Voilà, donc en fait, si on a accès à des visio-discussions ou je ne sais quoi par Internet avec son parent, et ben en fait... Pourquoi est-ce qu'on irait aux visites réelles, finalement? Selon le SPF Justice, c'est tout simplement pas nécessaire. Le 30 décembre, on a eu des nouvelles de France et de la maison d'arrêt pour femmes des Baumettes, où l'Envolée, qui est donc un collectif qui porte la voix des personnes concernées par la prison, un peu comme ce que nous on fait ici à l'ESPA Béton, ça a appris que les conditions de vie à cette maison d'arrêt étaient vraiment détériorées depuis plusieurs mois, qu'il y avait des caps franchis qui étaient inacceptables et que ça faisait pas mal de bruit, qu'il y avait beaucoup de personnes placées en isolement, qu'il y avait beaucoup de violences, de fouilles abusives et humiliantes, et que voilà, malgré ce climat très violent, la résistance et la solidarité s'organisent, force à elles toutes et soutien à la révolte de toutes les prisonnières et prisonniers du monde. Alors, le 31 décembre, on apprend que 44 détenus ont été testés positifs au Covid-19 à la prison de Merksplas près d'Anvers. On a cette info de l'administration pénitentiaire et donc on apprend que, comme souvent, les personnes contaminées sont simplement placées en quarantaine et donc elles proviendraient de deux unités de la prison. Le même jour, la police a reçu un appel pour une prise d'otage dans cette même prison. Donc un prisonnier s'est barricadé dans sa cellule avec trois co-détenus présents et le personnel de la prison et la police ont tenté de le raisonner. Et finalement, dans la nuit du 31 décembre, on a appris que des feux d'artifice avaient été tirés au-dessus de la prison de Saint-Gilles-Forêt et Birkendal en soutien aux personnes emprisonnées. Voilà.

Voilà. Et donc, ton enfant, il s'appelle Julien, et tu me disais qu'il a toujours connu son papa en prison, c'est ça ? Oui, il avait 32 jours quand son fils est rentré en prison. Ouais, n'importe quoi. Mon fils avait 32 jours quand son papa est rentré. Ok, donc merci d'être venu, et donc on va pouvoir parler dans le temps d'émission qui reste de ce que ça fait d'avoir son parent en prison et de comment se passe la visite avec des enfants. Mais donc justement, comment est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe des visites avec enfants en temps normal, on va dire, enfin hors situation Covid. Des coins jeux pour eux où les papas peuvent aller partager un petit moment avec eux sur ce coin jeu. Les autres où il n'y en a pas, par exemple Namur, il n'y a rien du tout. C'est Marchand Famène, je pense, que son papa était avant. Il y avait une grande salle de jeu, plus une petite aire de jeu avec toboggan et tout à l'extérieur que le papa pouvait aussi aller avec eux, quoi. Ou sinon, c'est comme une visite normale, voilà. Donc c'est une visite à table, simplement et rien faire d'autre que discuter, en gros. Voilà, et jouer parce qu'il y a quand même des jeux à disposition dans certaines prisons, mais pas dans toutes. Du coup, c'est quoi la situation comment ça se passe maintenant? Comme on l'a dit tout à l'heure, les visites ont été annulées pendant presque toute l'année. Voir comment ça se passe maintenant d'aller visiter en prison avec un enfant. Maintenant, à l'heure actuelle, en ce qui concerne mon compagnon actuel, c'est aucune visite parce que lui a un fils de 14 ans et lui ne peut pas aller parce qu'on sait que les 12-15 ans ne sont pas considérés... soit. Mes enfants peuvent y aller, mais ils ne peuvent pas le toucher. Donc mes enfants ne veulent pas y aller. Et en ce qui concerne son papa, lui, c'était les visites parents relais là. Et je pense que depuis le mois de mars, il a eu une visite au mois de juillet parce que j'ai su le conduire jusqu'à la prison même. Mais depuis, plus rien quoi, plus aucune visite, rien du tout. Mais enfin ça, on entendra tout à l'heure des informations de relais enfants parents aussi là-dessus. Donc c'est vrai que ça dépend fort. Enfin, on entendait que ça dépendait fort d'une prison à l'autre. Qu'effectivement, il y a des prisons où donc relais enfants parents, c'est une association qui va, enfin où des bénévoles vont venir avec les enfants pour permettre qu'ils puissent visiter leurs parents. Mais donc on a entendu que dans certaines prisons, relais enfants parents a juste pas pu faire de visite depuis le début du confinement, en fait, depuis moi, mars. Est-ce que le papa de mon fils est, lui, depuis le mois de mars, une visite, ça reprenait au mois de juillet, et puis, c'est de nouveau le néant, donc depuis le mois de juillet, il n'a plus aucun contact avec son papa. Peut-être tu peux nous dire comment est-ce que Julien, par exemple, comment est-ce qu'il parle de l'incarcération de son papa ? Est-ce que c'est en... Julien est un petit peu à part des autres, puisque lui, il a connu que son papa en prison, donc quand il allait voir son papa, il était heureux, il savait que c'était 2 heures où il allait partager un moment qu'avec lui. C'est quoi qu'on te donnait, des petits jus, des petites gaufres, il y avait des petites collations pour eux, et ils avaient vraiment les 2 heures rien que pour eux, quoi. Mais sinon, depuis, encore plus rien. Oui, j'imagine que c'est hyper important Julien, ton fils, mais aussi pour son papa, de rester en contact avec son fils, qui c'est un petit peu à une perspective de sortie, etc. À s'échapper un petit peu, bien sûr. Oui, voilà, et puis, je sais pas si t'es encore en contact avec lui ou pas, mais qu'est-ce qu'il en dit il vit ça pour le moment, non? Je ne suis plus en contact avec lui, mais ce que j'avais convenu avec sa maman à lui, c'était comme... à la prison où il est, c'est une visite relais parents-enfants par mois. Et à celle qu'il était avant, c'était 2. Donc pour combler cette visite qui lui manquait, je m'étais arrangée pour lui amener mon fils une fois à sa grand-mère et une fois via le relais parents-enfants pour qu'il puisse au moins le voir 2 fois par mois, quoi. Je peux pas faire des miracles. Et donc ça, le nombre de visites avec relais enfants parents, ça dépend d'une prison à l'autre, alors? Généralement, une à deux fois, quoi. Une à deux fois par mois. Ouais. Enfin, j'ai jamais entendu plus. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que ça évolue comment est-ce que ça évolue au fil du temps, si du coup des fois peut-être que il y a moins l'envie d'aller en visite, un peu à cause des contraintes et tout. Enfin, pour Julien, est-ce que avec les contraintes, il y a moins l'envie d'aller en visite? Il n'en a plus envie parce que voilà, il y a une fois on peut, une fois on peut pas, une fois il y a un bénévole qui n'est pas disponible, une fois il y a eu un mauvais contact avec le relais parents-enfants et les bénévoles. Ben voilà, il a déjà connu des déceptions, il a déjà pleuré parce qu'il attendait impatiemment sa visite où on venait le chercher, et puis ben, il y a personne qui est venu le chercher. C'est, puis une fois je lui ai dit, allez, je vais t'amener, on va y aller ensemble, et là ben, j'ai pas choisi le bonjour, c'était, il n'y avait pas visite ce jour-là. Donc, à son âge, ben oui, il a connu déjà beaucoup de déceptions vis-à-vis de son papa. Ouais, c'est, moi, ça me fait penser parce que, en fait, les visites, c'est le droit de visite, c'est un droit, en fait. On a droit à faire des visites. Les familles ont le droit d'être réunies, de garder du lien. Et en fait, c'est comme bien souvent quand c'est pour les personnes qui sont en prison, les droits n'existent pas vraiment et ils sont très vite oubliés. Dès qu'il y a un petit problème, comme tu disais, qu'une fois que c'est un bénévole qui n'est pas disponible, du coup la visite saute. Ça paraît quand même un peu. Enfin, voilà, c'est un bénévole, ça se trouve un autre. Et puis est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un bénévole pour que un père et son fils puissent se voir? Oui, parce que c'est le bénévole qui vient chercher l'enfant à la maison, qui va le conduire à la prison et qui le ramène. Donc. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça tient. J'ai l'impression que ça, c'est plein de, il y a plein de petites choses qui peuvent faire que les visites sont peuvent pas être mises en place, quoi. Pour le moment, c'est pas plein de petites choses, c'est beaucoup de choses. C'est, moi, vis-à-vis de son papa à lui, moi, je ne sais plus rien faire. Je ne sais plus rien faire. Je ne lui rends pas visite. Donc même via la grand-mère, je ne sais rien faire. Moi, je suis Charleroi. La grand-mère est Louis. J'ai un véhicule, mais bon, je ne cours pas sur l'or non plus. Mais ça, c'est aussi un problème au niveau simplement au niveau géographique, quoi. Où en fait, pour assurer le lien entre l'enfant et le parent, normalement, le parent devrait se trouver dans une prison assez proche de l'enfant. Mais en pratique, c'est C'est plutôt rapproché de sa maman. Ouais. Ouais. Oui. Enfin, en pratique, c'est. Enfin, c'est pour ça que les bénévoles sont utiles aussi. C'est pour faire justement les longues distances qui séparent du domicile. À la prison. Mon fils s'appelle son monsieur bénévole par son prénom, hein. C'est pas monsieur, c'est le prénom. Mm-hmm. Et il y a plus deux, trois ans que il a toujours le même bénévole, quoi. Ils ont quand même créé un lien aussi avec ce monsieur. Peut-être on pourrait écouter un premier extrait. Donc on a fait, enfin tu veux peut-être expliquer, Gilles? On a interviewé donc le directeur ou le responsable de justement cette association Relais Parents Enfants parents et voilà, qui nous a un peu parlé de leur mission, de leur but et des moyens qu'ils avaient pour les réaliser, et aussi un peu ils nous ont parlé des enfants qui naissent en prison ou qui grandissent en prison, parce que jusqu'à l'âge de 3 ans, une mère peut être en prison avec son enfant. Voilà. Alors mon nom est Maurice Janssen, je suis actuellement le coordinateur de l'association. Le relais enfants parents, il a pour objectif de maintenir le lien entre les enfants et leurs parents incarcérés au sein de 11 établissements pénitentiaires, donc les 3 bruxellois et 8 autres en Wallonie. On met en œuvre tout un tas de missions qui nous permettent et d'outils qui nous permettent de maintenir ce lien à travers l'incarcération. Et en ce qui concerne nos moyens, nous sommes très largement subsidiés, hein, à la fois par les établissements pénitentiaires, par les maisons de justice pour lesquelles nous sommes agréés, puis nous recevons différentes aides qui nous permettent de mettre en œuvre notre travail. Voilà un peu pour une vision large et rapide de l'association. D'abord, je ferai peut-être un petit historique rapide. Hein, donc, durant le premier confinement, on a été, mais comme nous tous, je pense, complètement bloqués. Donc, les visites collectives, les entretiens encadrés, etc., ont été stoppés. Plus aucun enfant ne pouvait rentrer en prison. Et même nos intervenants, durant le mois de mars, mars et avril, ne pouvaient plus rentrer. Enfin, la situation était vraiment compliquée. Et puis, à partir de juin, juillet, les visites ont progressivement repris sous tout un tas de conditions. Par exemple, d'abord uniquement les enfants de moins de 12 ans, ou alors les papas de telle aile pouvaient être présents à telle visite, ou alors un nombre maximum de près de personnes dans les salles de rencontre, etc. Donc, toute la mission et toute la mise en œuvre de notre travail était quand même rendue compliquée par tout un tas de difficultés supplémentaires. Et puis, dès novembre, de nouveau, un peu comme nous tous, les visites et l'entrée en prison des enfants a été complètement stoppée. Aujourd'hui, il y a une réouverture qui est en cours, mais c'est pas encore très clair en tout cas dans notre esprit. Maintenant, l'impact sur les enfants, ben, il y a surtout surtout un manque et une incompréhension. Moi, c'est ce que j'en ressors, quoi. Ça va faire pour certains enfants. Par exemple, dans la section hommes de la prison de Lantin, on n'a plus pu effectuer de visite collective depuis mars dernier. Mais donc, il y a des enfants qui n'ont plus vu physiquement leur papa depuis. Ça devient extrêmement long pour eux, surtout quand on est un jeune enfant. C'est des 9 mois, c'est des temporalités très très longues qui sont difficiles à appréhender. Donc je crois qu'il y a une souffrance, mais il y a surtout une incompréhension vis-à-vis de la situation, en particulier pour les enfants. L'autre chose, peut-être vis-à-vis des parents incarcérés et aussi peut-être des familles à l'extérieur, c'est que notre fonction, elle est préposée à aider et à maintenir le lien entre un enfant et son parent incarcéré. Et pour le moment, ben pour nous, c'est assez compliqué. Donc on est aussi un peu entre deux feux, quoi, disons. Et peut-être, la bonne organisation de la prison peut primer sur certains droits, en fait, oui. On pourrait dire ça comme ça. Pour revenir à votre question première sur la réinsertion et le besoin de lien, lorsqu'on sort de détention, le lien avec sa famille, avec les gens qu'on connaît, l'une des premières difficultés auxquelles on va être confronté. Il y a le logement, bien évidemment, qui est extrêmement important et qui est souvent une vraie difficulté auxquelles vont être confrontés les individus qui souhaitent se réinsérer ou qui sortent de détention. Mais le fait d'avoir des gens autour de vous qui peuvent vous accueillir, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous écouter, c'est primordial et on en a tous conscience, c'est absolument nécessaire. Et en ce qui concerne notre mission, donc ça entre bien évidemment en ligne de compte, mais on travaille aussi et surtout dans l'intérêt supérieur des enfants. Mmh. Donc ça veut dire que c'est vraiment dans leur objet, au premier chef, qu'on essaye de réduire les difficultés auxquelles ils vont être confrontés, leurs peurs, et puis minimiser la rupture qui leur est imposée, en fait, tout simplement. Quelles que soient les raisons de la détention du parent, l'enfant n'est absolument pas responsable de cela. Et pour autant, il va largement subir les conséquences. Ok, voilà, donc on a entendu ce responsable du relais enfant-parent. Je sais pas si tu as envie de réagir à ce qu'il dit, ou à toi, quelle est ton expérience avec cette association et... Vu la situation, je pense que les liens de père-enfant, parce que ça soit mon fils ou mon compagnon avec son propre fils, le lien disparaît. Et beau-frère, ça va faire quand même quasi un an que c'est comme ça. Et son fils à lui à 14 ans, vous savez, les jeunes de 14 ans, c'est le PlayStation. Voilà, donc le papa pensait à répondre au téléphone pour voir son papa ou autre chose, c'est plus tant la priorité dans l'adolescent de 14 ans, quoi. Et si on voit qu'on vient pas le chercher pour aller voir son papa, oui, c'est dommage, mais on vient pas le chercher, voilà. Et je te demandais justement, est-ce que les prisons ont mis en place des visioconférences ou quoi pour combler un peu l'absence de visites réelles ou pas? Certaines prisons, mais en ce qui concerne mon fils, je ne sais pas. En ce qui concerne mon compagnon, non, il n'y a pas de vidéoconférence. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire des visites hors surveillance, des visites familiales avec des enfants et... Avec mon compagnon, on a 2 visites hors surveillance par mois. Et justement, quand les enfants savent, parce qu'ils me voient partir avec mon petit sac, avec mes casseroles, ma nourriture, mes bonbons, mes boissons, pour aller passer 5 heures avec mon compagnon. Et avant que ça ne soit annulé, on devait prendre une visite familiale avec son fils. Et mes 2 enfants, enfin mes 2 plus petits avec. Et là, c'est 5 heures. Enfin, c'est une prison semi-détention, semi-liberté, je ne sais plus comment ce qu'on dit. C'est pas une prison ferme, là, je ne sais pas expliquer comme il faut. Mais là, c'est 5 heures, donc on est dans une petite maison, on a salle de bain, on a WC, on a salon, télé... Et on peut apporter pour faire à manger nos boissons, on a un frigo, on a un micro-ondes, on a une cuisinière. Et voilà, on est enfermé dans cette maison pendant 5 heures. Donc dire comment ça se passe, non, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais bon, via les VHS, c'est déjà bien de se retrouver 5 heures en toute intimité. Mais avec les enfants, c'est pareil, je suppose. Et est-ce que le papa de Julien, il a eu droit à des congés pénitentiaires, par exemple? Non. Non. Oui, par rapport au village, c'est conforme. Moi, ce que je me dis, c'est que ça doit être un peu plus donner l'impression d'être en famille que juste être assis à table au parloir. C'est quand même. Oui, parce qu'il y a la télé, il y a l'interaction, il y a des choses qu'on peut peut-être se dire qu'on ne se dit pas en salle de visite, parce que certes, les VHS familiales peuvent être bien pour les enfants. C'est le moment où ils peuvent se retrouver seuls avec leur papa et même les mamans et même les oncles, les tantes, les grands-parents. Je crois que c'est juste que 6 ou 8 personnes, je ne sais plus. Et une question encore, est-ce que... Enfin, tu nous l'as dit aussi, mais imagine que toi, tu as dû mettre plein de choses en place pour justement pour permettre à Julien de maintenir ce contact avec son papa. Oui, j'ai toujours fait en sorte que qu'il puisse voir son papa à chaque moment où l'occasion se présentait. J'ai comme il est incarcéré depuis pour ainsi dire sa naissance, s'il l'appelle papa, c'est pas pour rien. J'ai quand même été toujours derrière à lui dire qu'il était son papa. Je n'ai jamais empêché quoi que ce soit, donc toujours été dans le sens du bien-être de mon fils avant du bien-être du papa, bien sûr. Ok. Il nous reste 5 minutes. On peut peut-être vite écouter le dernier extrait de l'interview du Relais Enfants-Parents. Alors, en ce qui concerne cet âge, j'aurais du mal à vous répondre. Je ne sais pas exactement quelle est la raison historique et juridique qui a défini cet âge de 3 ans. Jusqu'auquel un enfant peut rester dans un établissement pénitentiaire avec sa maman. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être une manière d'envisager ce qu'on appelle la petite enfance, en fait. Mm-hmm. Que ce soit sur le plan juridique, administratif ou même en psychologie. C'est souvent, la petite enfance va être considérée jusqu'à 3, 4, 5 ans. Et je pense que ça doit être lié à cela. Alors, et la deuxième partie de votre question, c'était? C'était, qu'est-ce qui se passe après ces 3 ans? Oui. Eh bien, en fait, assez simplement, l'enfant va devoir quitter sa maman, quitter l'environnement dans lequel il a grandi. Et s'il a un autre parent, un papa à l'extérieur, il va aller le rejoindre. Il peut être placé. Il peut se retrouver dans une famille d'accueil. Il y a tout un tas de possibilités. À partir du moment où un enfant a grandi avec sa maman en prison, le tribunal d'application des peines aussi va aussi le prendre en compte dans le cadre d'une possibilité de sortie de prison de la maman. Mmh. Donc souvent, on va essayer, c'est une tendance, mais essayer de rendre conjoint ce moment pour éviter une rupture, en fait, tout simplement. Mais dans l'ensemble, ça va vraiment être contextuel à la situation de l'enfant. Est-ce qu'il y a une fratrie? Est-ce qu'il a des frères et sœurs qui sont des mêmes parents? Est-ce que l'autre parent est apte ou a envie de s'en occuper? Ça peut être chez les grands-parents, par exemple, les parents de sa maman, ou alors il peut être placé. Donc il y a vraiment tout un tas de possibilités. Et il n'y a pas vraiment de règles, spécifique qui est appliquée généralement. Voilà, donc on vient d'entendre ce cas particulier des enfants qui grandissent en prison et puis qui après l'âge de 3 ans sont obligés de sont sortis de prison et sont soit placés soit rejoignent la famille qui pourrait en avoir dehors. On arrive au bout de cette émission, je sais pas, je voudrais te laisser la parole, si t'as quoi que ce soit encore à dire. Non. Et donc tout ça se termine. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Donc on va passer au big up alors, non? Big up, big up, big up, big up, big up. Big up à toutes les personnes en prison, à tous les proches qui les soutiennent, à tous les enfants puisqu'on en parlait, tous les enfants qui subissent aussi l'incarcération de leurs parents. On pense fort à vous et effectivement, on espère que 2021 sera pas aussi pourri que 2020 pour ce qui est des visites et que les contacts pourront un peu se recréer entre l'intérieur et l'extérieur. Mm-hmm. Cool. Oui, à fond, gros big up à tous les enfants qui doivent vivre l'incarcération de leurs parents. Je pense que c'est vraiment pas facile et on se rend pas compte de ce que ça peut créer, juste du soutien. Tu réalises qu'en vérité l'histoire ne fait que bégayer, qu'il faut encore batailler pour voir leur machine s'enrayer. C'est l'heure de combattre les élites, leurs séides et ceux que nous nommons tard.

à participer à notre action devant l'Office des étrangers. La violence de l'État face aux personnes sans papiers, la politique migratoire se basant sur le laisser-pourrir doit absolument cesser. Le racket de la loterie des étrangers, à travers sa politique de redevance pour les dossiers 9 bis, doit cesser également. Après de longues années de lutte et d'attente, les personnes sans papiers n'ont pas l'impression d'avoir été entendues ni reconnues comme personnes vulnérables face à une crise sanitaire sans précédent. Les gouvernements se succèdent, certes avec difficulté, mais dans la plupart des cas, ils font preuve de surdité et de mépris envers des milliers de personnes vivant sous l'emprise de patrons véreux, de marchands de sommeil et de plus en plus de racisme social et structurel. En tout cas, ils partagent toujours le même manque de volonté d'anticiper de nouvelles solutions, que ce soit pour l'immigration, les logements, la précarité ou ce qui est plus grave, n'a aucune envie de penser à plus long terme. Ils n'envisagent comme solution que les refoulements, les rafles, la restriction des droits, la détention en centre fermé, y compris de familles et d'enfants, les expulsions individuelles ou collectives. Face à la tentation du gouvernement d'ignorer la question de la régularisation et de laisser perdurer l'injustice, il nous faut répéter que nous n'accepterons pas que les personnes qui partagent la vie sociale et citoyenne belge au quotidien soient dépourvues d'existence légale. Il faut montrer au gouvernement que nous sommes nombreux à soutenir le combat pour la régularisation et qu'il doit en tenir compte. Le nouveau secrétaire d'État à l'asile et à la migration, M. Sami Madi, a passé le plus clair de son temps à rassurer l'électorat flamand qu'il n'y aura pas de régularisation de sans-papiers et continue dans sa volonté de fermer les portes face à de nombreuses demandes de rencontres de la part des syndicats, associations ou représentants de personnes sans papiers. Son administration, l'Office des étrangers, continue ses pratiques douteuses et floues et, en continuant une politique de loterie et de racket auprès des personnes sans papiers, à travers la mise en place d'un système de redevances, soi-disant frais administratifs pour les demandes de régularisation 9 bis, une pratique pourtant condamnée par le Conseil d'État et qui a considéré le montant de 363 euros comme trop exagéré et injustifié. Ce vendredi 22 janvier, nous allons organiser un rassemblement devant l'administration de l'OE à Bruxelles pour tenter de rencontrer Monsieur le directeur Freddy Rosemont afin qu'il nous explique pourquoi son administration continue de percevoir des montants trop exagérés pour les redevances administratives et dénoncer la politique de l'arbitraire menée par son administration. Pouvons-nous accepter que des dizaines de milliers de personnes soient maintenues dans la précarité, l'incertitude, la détresse psychologique, fragilisées par des mois, voire des années d'enfer administratif? Nous ne souhaitons pas une régularisation politicienne, un faux-semblant de mesures sociales. La régularisation doit se faire de manière claire et sans équivoque, en élargissant les critères légaux qui devront pouvoir être appliqués sans laisser de place à l'arbitraire. On appelle tous les soutiens à venir à notre démonstration pour créer ensemble un élan en faveur de notre cause légitime. Soyez au rendez-vous le vendredi 22 janvier à 14h devant l'Office des étrangers, boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles. Une société qui refuse l'égalité des droits au prétexte d'un statut administratif, de la nationalité, l'origine, la couleur de peau sera de plus en plus gangrénée par le racisme et les violences d'État. Et maintenant, on va écouter une chanson du groupe anarchiste folk punk de Gand, Donderhond, qui n'existe plus depuis presque 10 années, mais qui était toujours présent pour les soirées de soutien pour la lutte contre les frontières. Et cette chanson s'appelle « Brook and Pun » et ça fait référence à la vie détruite des personnes sans papier. Call it, but the women in Wir sind einfach Cousin. We'll be right back. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... Le transgénal. Le transgénal. Le transgénal.